Moi je veux faire battre ton cœur, ça fait pas de bruit les paires de seufs. Je suis pas fan des cougars, mais mes ex étaient des vieilles meufs. Ma confiance tient un scalpel. Belek, tu vas saigner, baby. Sans preuve d'amour, je peux pas être coupable de t'aimer. Moi je suis un voyou, mais est-ce que toi t'es loyal? Laisse pas tes ex refaire surface, notre coup va se noyer. Noyer, même si j'ai le cœur éteint, je veux pas d'une allumeuse, moi. Je suis rempli de vis, peux meubler le cœur d'une michetonneuse, moi. Il me faut des flingues, ça c'est mon côté marginal. Parce que j'ai des mecs verts sur moi et même sans carte vitale. Regarde-moi voler, les autres attendent ma chute. Sur le terrain de l'amitié, faire confiance, mon dernier but. Je vais en sorte, être celle que tu attends. Personne n'est parfait, Dieu nous entend. Je vais en sorte, être celle qui t'attend. Construire un avenir et faire des enfants. Je vais en sorte, être celle que tu attends. Personne n'est parfait, Dieu nous entend. Je vais en sorte, être celle qui t'attend. Construire un avenir et faire des enfants. J'aime bien avoir raison, faut pas t'énerver. Si tu nages en plein doute, c'est que mon amour t'a submergé. Dis-moi ce qui te ronge, dis-moi ce qui se passe. Si l'amour nous électrocute, c'est que le courant passe. Fuck l'amour, devant toute la foule, je l'ai dit. Tellement trahi que je pars tout seul, donc j'en deviens tout débile. Te crierai pas dessus, pas le temps de te faire de la peine. Moi je te traiterai comme une princesse, je suis élevé par une reine. On va pas se mentir tout le temps, comme ça ça va durer. Dans les ruelles de la trahison, j'ai vu des coupes se déchirer. Je lirai entre les lignes tes blessures pour comprendre ton histoire. Si l'amour rend aveugle, me crèverai les yeux juste pour te revoir. Je vais en sorte, t'es celle que tu attends. Personne n'est parfait, Dieu nous entend. Je vais en sorte, t'es celle qui t'attend. Construire un avenir et faire des enfants. Je vais en sorte, t'es celle que tu attends. Personne n'est parfait, Dieu nous entend. Je vais en sorte, t'es celle qui t'attend. Construire un avenir et faire des enfants. Sur le chemin de l'amour, les cœurs de pierre nous retardent. Mais plus on marche droit et moins on s'égare. J'ai trébuché parfois, mais quand je tombe, je me relève. Suivrai ta voix, que rien ne nous sépare. On me jugera et condamnera, mais ma peine sera moins lourde que ceux qui nous montrent du doigt. Je ferai en sorte d'être celle que tu attends. Personne n'est parfait, Dieu nous entend. Ferai en sorte d'être celle qui t'attend. Construire un avenir et faire des enfants. Ferai en sorte d'être celle que tu attends. Personne n'est parfait, Dieu nous entend. Ferai en sorte d'être celle qui t'attend. Construire un avenir et faire des enfants. Je ferai en sorte.